Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr et sur nosécrans.com pour le 55e numéro de Sur nos écrans, un numéro qui sera consacré au bilan de la deuxième saison de The Flash, la série de la CW. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 55e sur nos écrans. My name is Bruce Wayne and I am the fastest man alive. If you don't listen to me, you'll be dead by morning. Well, there will be chaos. Rivers of blood in the street. Look around. The enemy has the advantage. They're screwing with the wrong people. There will be light. But we have to fight on for those we've lost. And then they'll disappear, become ghosts. To honor my friend's memory, I must be someone else. And something tells me it's gonna catch on. Et je crois que ce sera le bilan le plus peuplé de cette saison, puisque nous sommes tous là. Avec moi, en effet, ce soir, Arnaud. Salut. Clément. Salut. Elodie. Bonsoir. Irish. Salut. Et Léo. Ah. Hey, merde, c'est pas vrai. Léo est sur Terre 2, donc en même temps, c'est pas facile, les communications passent pas toujours très bien, donc on verra tout à l'heure. Hein. Deuxième saison de Flash, donc, je le disais, là, on est à un moment de l'année où tout est à peu près terminé. Hein, il nous reste juste Fear the Walking Dead qui est en cours. Que, ouais, non, qui encore, cours. C'est mi-saison, là, Et il y a Outcast qui arrive et puis Preacher qui vient de commencer, mais pour le reste, en tout cas, toutes les séries qui nous ont occupés dans l'année sont terminées maintenant. Et puis surtout, faire de Walking Dead. Mais moi, je dois reconnaître que j'ai hâte de faire le podcast pour la défoncer. Ah, ah. Bah écoute, j'ai hâte. Et bah voilà. Cette émission aussi. Allez, aujourd'hui, c'est The Flash. On va pas faire le bilan de ce qu'on a regardé cette semaine. Il y avait rien. À part le pilote de Preacher, mais est-ce que quelqu'un l'a vu? Non. Ah, je savais même pas que c'était sorti. Mais j'ai eu que des mauvais échos. Bah écoute, moi j'ai pas eu d'écho du tout, mais je le regarderai peut-être demain. Enfin, c'est pas parce qu'il y avait rien qui est sorti cette semaine qu'on a rien regardé, parce que moi personnellement j'avais du retard, donc autant vous dire que là je suis sur le final de Arrow. Tu dois vivre un beau moment de plaisir. Ouais. Fait le bilan. C'est parce que clairement il n'y a aucune série d'ici à sauver, donc bon. Ah non, ça, on est d'accord. On verra de toute façon dans le grand bilan qu'on fera de la saison au complet. Est-ce qu'il y avait une série à sauver cette année? On pourra même poser la question. Est-ce que je peux dire non? Bon, tu diras non le 29 juin. Ouais, 29 juin, 26, je ne sais plus. Garde tes cartouches. Effectivement, garde tes cartouches. À méditer cette phrase. Allez, on va commencer sur Flash. Saison 2 donc, avec toujours Grant Gustin dans le rôle de Flash, toujours Candice Patton en Iris West qui a illuminé notre saison. Ouais, comme d'habitude. Alors surtout ouais. Le final. Ah, le final. Toujours Carlos Valdez, c'est ça? Ouais. Oui. Dans le rôle de Cisco, toujours Tom Cavana, sauf que cette fois il joue le rôle de quelqu'un d'autre. Enfin voilà, tout le monde était là. Est-ce que tout le monde est là à la fin de l'année? Bon, on va en parler. Hein. En tout cas, une saison qui a été. Je vais commencer du coup, tiens, une fois n'est pas coutume. Une saison qui a été longue. Et c'est peut-être là son gros défaut. Ouais, c'est déjà peut-être un peu le défaut de la saison dernière aussi. Oh, un petit peu moins. Moi, je voudrais commencer par une touche positive quand même, c'est que la saison 2 est beaucoup moins, entre guillemets, un cas par épisode que la saison 1. Ah oui, ça c'est clair. Moi, c'est quelque chose de vraiment positif. Ouais, les intrigues sont plus construites sur le long cours que voilà. Simplement le bad guy de la semaine. Ah oui, c'est pareil. Ils sont tous plus ou moins introduits, donc on peut jouer avec. Voilà, je pense que garder un méchant toute une saison entière et faire que des trucs sur lui, ça devient long sur 23 épisodes. Alors on a dit qu'on parlait pas de Legend of Tomorrow, non? Donc du coup, non, pas ce soir. Garde tes cartouches aussi. Donc, ouais, c'était long. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, 23, c'était trop long pour ça, quoi. Bah moi, je dirais que la série cette saison peut être divisée en deux parties. Et une première partie que j'ai trouvée vachement intéressante jusqu'à peu près au moment où on commence vraiment à s'intéresser à Zoom. J'ai trouvé que la série, après notamment son introduction, que je pense que beaucoup d'entre nous avaient aimé, où il détruit la colonne vertébrale de Barry, voilà, en t'introduisant un personnage assez badass, assez impitoyable, entre guillemets. Et après, on tombe dans une deuxième partie, où ce méchant assez impitoyable... Et assis et aller regarder faire, aller regarder monter leur plan, il laisse Barry récupérer ses pouvoirs, voilà, c'était long, il y a beaucoup d'épisodes de remplissage, et voilà, contrairement à la première partie où c'était vraiment, je trouvais vraiment intéressant, la deuxième, un peu bof. Est-ce que vous êtes plus ou moins tous de cet avis? Non. Bah si. Mais alors Clément? Non, moi je suis pas. Oui, c'est forcément que la série était, enfin que la saison était longue parce qu'il y avait quand même les 23 épisodes. Forcément que ça pose des problèmes en termes de narration et de lenteur. C'est tous les problèmes inhérents de toute manière à ce genre de série. Maintenant, je suis pas trop d'accord. C'est que moi j'ai plutôt aimé les, enfin j'ai aimé globalement toute la saison. Il y avait certes quelques défauts, elle était un chouïa inférieure à la saison 1, mais n'empêche qu'ils ont vraiment, enfin qu'il y a vraiment un univers de construit autour de Flash, qu'il y a vraiment l'aspect mythologie derrière au niveau de la, on va dire de la, par exemple de la Speed Force. Donc j'ai trouvé qu'ils ont enrichi ça et qu'il y a vraiment un respect du matériel de base et que c'est, enfin. Concrètement, si je dois comparer par une autre série du CW, j'ai largement pris de plaisir à regarder The Flash que Arrow. Ouais, donc on a pris quoi. Ça c'est clair. Ça c'est pas difficile. Ouais, non, c'est pas difficile, mais enfin, je veux dire, au moins j'étais, enfin, ouais. j'adorais toute la semaine regarder cette série-là parce qu'il y a toujours la bonne humeur, il y a toujours, enfin, j'aime beaucoup toujours le Flash de Grant Gustin. Enfin, il y a toujours les points positifs que j'ai retrouvés dans la première saison. Il y a peut-être un peu plus de points négatifs, mais voilà, non. Globalement, j'ai trouvé que c'était une bonne saison et je suis pas vraiment d'accord sur Zoom, moi, que j'ai trouvé plutôt bien, même un peu chiant sur la fin, forcément, mais je l'ai trouvé plutôt pas mal globalement sur la saison. Après, j'ai aimé aussi globalement cette saison. Enfin voilà, c'est quand même parmi tout ce qu'on a vu cette année, c'est quand même pas ce qui est le plus bas du panier. Et c'était pas difficile d'être au-dessus du restant. Que voilà. Mais par contre, est-ce qu'on est d'accord sur le fait que la saison 2, c'est une photocopie de la saison 1, on change les noms, mais à part ça, on a à peu près la même chose. Dans la mesure où, de toute façon, ils ont refait un truc à la un méchant qui se dévoile peu à peu par la suite comme l'année dernière, on nous le dévoile trop tôt et du coup on galère après à finir la saison parce qu'il nous reste 10 épisodes à faire. Là il y a un personnage que Zoom. Ouais. Il y a un autre défaut à cette à ça, c'est qu'en plus on nous a spoilé le nom du l'identité réelle de Zoom à la fin d'un au milieu d'un épisode 4 ou 5 épisodes avant et ça c'était quand même vachement con parce qu'il pouvait y avoir un semblant de truc même si on se pose dans une position de spectateur un peu lambda, il y avait une espèce de suspense qui pouvait se faire, mais dès lors qu'on nous l'a un petit peu révélé au détour d'un truc dès lors qu'on nous l'a révélé comme ça, voilà, il n'y a plus trop de mystère après, quoi. Ouais, mais après, la même erreur en dévoilant Zoom avant, en nous parlant de Zolomon, et ils ont fait la même erreur une deuxième fois avec l'homme derrière le masque en nous parlant de Jay Garrick. Hein. Oui, ouais, voilà, c'est les indices après, à la berlantine. Mais est-ce que c'est pas tout fou aussi avec tous les Zolomon, ils ont fait quelque chose aussi qui au final, il y a certains épisodes, je me suis dit j'ai regardé pour regarder, mais je sais pas trop tout ce qui s'est passé là-dedans ou si c'était vraiment cohérent. Parfois il y avait pas c'était de pas cohérent. Du tout cohérent l'histoire de Zoom. Il y avait pas de cohérent. Il allait récupérer le Zoom du passé, le Zoom du futur. À un moment il y avait 4-5 Zooms, 4-5 L'explication était la balance en 30 secondes. Et non mais c'était hyper compliqué. Même pareil, son histoire de course, là, ce que Barry fait, en fait, il te dit qu'il allait chercher, à quel moment il allait chercher, ok, je veux bien qu'il soit rapide, c'est parfois un peu risible au niveau de... Bah oui, ça l'est un peu, mais bon, on est sur la CW et c'est toujours un prototype de méchant un peu couillon, qui de toute façon, on sait, va perdre au final face aux gentils et d'une certaine manière il a toujours un truc pour ne pas s'intéresser de plus près au point de vraiment faire une action et voilà, parce que concrètement Flash il aurait pu le tuer au moins 4 fois il regarde faire. Tu reproches à un modèle, enfin tu vois maintenant c'est devenu limite un modèle ça, ce méchant un peu con, oui. Qui se fait. C'est en ça que je parle de structure un peu similaire à la saison 1, parce qu'on a quand même beaucoup de choses qui se reproduisent. Sauf que dans la saison 1, il y avait quand même ce besoin de, le fait que Harrison Wells ne tuait pas Barry, c'est parce qu'il avait besoin de lui au final. Sauf que son argument est un peu con. En gros, c'est parce que je veux être le plus rapide. Ah oui. Surtout dès que Zoom avait sa sa vitesse, tu aurais pu tout de suite le tuer. Mais voilà, et ce qu'on ne sait pas, parce que ça ne nous est pas dit, alors que c'était peut-être important de nous le dire, c'est que le fait de récupérer la vitesse de Barry ne suffisait pas pour son plan. Ce qu'il fallait, c'est la vitesse de Barry, mais en Barry, pour que Barry puisse courir dans cette putain de... Sauf que ça, ils ont dû l'imaginer à la dernière minute. Voilà. Mais justement, on a l'impression qu'ils ont, enfin, on a l'impression que même au niveau parfois des explications qu'on nous donnait dans les épisodes, genre la première fois qu'ils vont sur Terre 2 ou même un peu après, on a l'impression qu'à chaque fois il y avait des trucs qui se rajoutaient dans la conception de Zoom, dans son plan, dans un petit peu des trucs. Oui, mais on nous a gardé une espèce de part de mystère et tout, et tout ça pour lamentablement nous révéler au détour d'un truc et tout, parce que limite c'est prendre le spectateur pour des cons, pour un con, s'il pensait vraiment que en faisant dire à comment il s'appelle, au père de Barry, le nom de la jeune fille de ma mère, c'était Garrick, voilà. C'est vraiment, enfin, tu vois, le spectateur un peu attentif, il le voit, et tu vois, balancer toutes ces espèces de trucs un peu compliqués, parfois complètement random ou incohérents, tout ça pour ensuite nous dévoiler le truc, bah c'est un peu con, et là en effet ça devient risible. Oui. Non, mais en soi, Zoom, c'est pas un mauvais méchant, c'est juste que. Non, c'est un. On a eu un reverse flash en saison 1, donc ça prend encore un speeder. Est-ce qu'on va se taper encore ça en saison 3? J'espère que non. A priori, oui, mais. Le seul plus qui a amené Zoom, c'est Earth 2, finalement, c'est de découvrir un peu leur. Puis en plus, le problème, c'est que c'était une copie du reverse flash, et on nous a ressorti le même schéma du mentor qui trahit Barry. Faudrait pas qu'il en fasse. Ouais, alors c'est pas grave. Détourné, quoi. Ouais, et vous voyez, encore une fois, un truc pareil que dans la saison. Et vous allez finir par y arriver, hein, à dire qu'au final, voilà. Le meilleur épisode pour moi de cette saison, pour moi, si on me demandait le meilleur épisode, celui que j'ai le plus aimé, bah moi je te dirais que c'est un épisode qui était totalement en rapport avec la saison 1. Qui était à peu près l'origine, je sais pas si vous voyez de laquelle je parle. Avec le reverse flash. Oui, quand on t'apprend les origines de Theo Bartson. Voilà, exactement. Et c'est l'épisode que j'ai le plus aimé de cette saison. Donc, le problème, donc l'histoire de Zoom, comme vous disiez, c'est qu'on a l'impression que lorsqu'ils ont écrit leur scénario, voilà, au fur et à mesure des épisodes, ils disaient bon bah on va faire comme ça. C'était pas il y avait pas de ligne directive dans le personnage. Ils avaient deux ou trois choses. Ils savaient qui était sous le masque. Ils savaient qui était Zoom. Il y avait deux trois trucs qui étaient définis. Après le reste, effectivement, on a l'impression qu'ils naviguent un peu à vue. Après, il y a un truc aussi dans le fait que, comme dans la saison 1, ils ont révélé le nom du méchant trop tôt, et une fois que t'as un petit peu compris qui était Zoom, parce que, tu vois, nous qui avions compris, ça nous a pas du tout surpris quand on a vu que c'était Jay Garrick, tu vois, qui était sous le masque, mais une fois, du coup, que Zoom, en plus, a eu cette identité, de fait dévoilé, ça lui a enlevé en plus ce côté un peu terrifiant qu'il avait, presque limite entitaire, quoi, tu sais, avec les éclairs bleus autour, tout ça, qui faisait qu'il avait l'air vraiment, vraiment limite inatteignable, indestructible et vraiment très puissant, quoi. Le premier moment où il apparaît et où il humilie Barry en plein milieu de la presse, de la police, etc., il était vraiment dingue, quoi. Et après, une fois qu'ils se sont complètement empêtrés dans ces trucs-là, bah, il avait rien de très, voilà, ses apparitions étaient même plus surprenantes, c'était plus. Bah, c'est normal, ça. Oui, mais ça, comme du coup, ils ont révélé ça un peu trop tôt, ça n'a pas, enfin, ça a encore plus atténué un peu l'impact de Zoom. Et surtout, le plan random à la fin, avec ce truc de vitesse qui arrive un peu comme ça, bah. Ouais, voilà. Je comprends ce que tu veux dire, Léo, c'est qu'il n'y a pas eu de montée en puissance dans son instauration de la terreur dans Terre 1, parce qu'il est arrivé, mais sa première entrée elle est flamboyante et impitoyable, et après derrière tu te retrouves avec quelqu'un d'un peu plus mollasson qui n'y va pas directement. Et quand tu regardes même par rapport à ses plans, tu dis lorsqu'il vole la vitesse, toi, ce qui prend la vitesse de Barry, il dit bon bah finalement il s'apprête à tuer Barry. Tu as l'impression que c'est Caitlin qui le sauve. Ok, tu dis bon, ok. Ensuite, lorsque Barry, il essaie de refaire l'expérience pour redonner les pouvoirs de Barry, et qu'il arrive, pour s'interposer, et après il se rend compte que Barry a disparu, il dit bon, bah c'est bien fait pour votre gueule, il sera plus là. Et à la toute fin, et bah, t'as l'impression que bah non, toute mon idée c'était que tu reviennes là, qu'on fasse cette course là, c'était mon but depuis le début. Sauf que depuis le début, t'essaies de le buter, donc comment tu planifiais pour arriver à cette course là si tu veux le buter depuis le début? Puis surtout, s'il avait besoin de Barry avec ses pouvoirs pour son plan, il lui pique ses pouvoirs, mais comment il espérait qu'il récupère de nouveau des pouvoirs? C'est ce que je dis. Pour son plan. En plus, il a les pouvoirs de Barry plus les siens, donc il a beaucoup plus de pouvoirs que Barry, donc c'est sûr que ça continue. Oh oui, non, mais de toute façon, on sent bien qu'effectivement, comme dit Léo, c'est très random tout ça. Hein. Mmh. Oui. Bah, c'est pour ça que je dis la deuxième partie de saison, elle est très. Et surtout, il y a plusieurs éléments où on te dit. Pardon, vous qui êtes fan, beaucoup plus fan, vous avez gardé un œil attentif sur Wally, sauf que ça ne va nulle part. Wally. La saison, il nous révèle des pouvoirs, mais il ne nous révèle rien, il n'y a rien. Justement, on s'attendait à ce qu'il le fasse, vu qu'ils sont tous les deux atteints par la force, justement, quand Barry s'est récupéré ses pouvoirs. C'est plutôt intéressant, moi, qu'il ne les ai pas encore. Ouais, moi aussi. Oui, mais dans ce cas-là, il y a certaines choses qui ont été renversées. Beaucoup d'attention. Non, mais ce personnage ne sert à rien, quoi. Pour l'instant, c'est normal qu'on fasse attention au personnage qui porte ce nom-là dans une série qui s'appelle Flash. Mais c'est le problème, c'est qu'il s'appelle Wally West, et du coup, on attend en permanence qu'il se passe un truc avec ce type-là, et il ne s'est rien passé. Donc, la déception peut être un peu légitime, dans la mesure où, de toute façon, il est resté quoi? Il a eu au moins 12 épisodes, 10-12 épisodes. Une demi-heure. Surtout que pendant tous ces épisodes, il te tease quelque chose. Il aime la course de vitesse, il veut construire une voiture pour son projet universitaire. Enfin, ça, t'es bien du il aime la vitesse, et tu comprends, quoi. Enfin, si tu connais les comics, tu sais qu'il devient Flash, mais même si tu les connais pas, tu comprends qu'ils insistent sur cette idée de vitesse et que ça va devoir mener quelque part. Et au final, ça ne mène nulle part, et le personnage ne va nulle part. Il ne fait rien pendant tous les épisodes. C'est rien. Je pense qu'il va vraiment quelque part, et je suis plutôt content qu'ils soient un peu amusés avec nous avec ça, parce que pour une fois, ils prennent leur temps avec quelque chose. Ouais. Et puis aussi, parce que, rappelez-vous, il y a un an, on nous a fait le même coup avec le mot inhumain, et on était comme des fous. Et ben, c'est pareil avec Wally West, on nous fait le même coup, on attend juste le moment où il va avoir des pouvoirs, sauf que là... Oui, enfin, les inhumains, ça a amené quelque part. Ça va durer un peu plus, mais tu verras, ça va mener quelque part. Mais peut-être que Wally West est intéressant. Ouais. Ça va mener quelque part avec Wally. Le personnage n'a rien. Oui, mais d'accord. Tu parles des inhumains, mais il y avait autre chose derrière. Là, Wally, si tu lui enlèves ses pouvoirs de Flash, tu retires ce teasing de ses pouvoirs, il ne se passe rien avec le personnage. Il est inexistant. Mais comme toutes les histoires sur la famille de Iris et tout ça, c'était nul cette saison. Enfin, Une fois encore, c'était un peu répétitif. De la saison 1 et tout au long de la saison, c'était répétitif, c'était toujours le même schéma. Ouais. Et l'histoire de famille de Barry, c'est pareil, j'ai l'impression qu'il est sur sa mère et tout ça, c'est bon, on va jamais. Tu crois qu'on en a fini, au contraire, ça va être encore pire. Bah, qu'on ne va pas revenir 50 fois sur. Bon, bien sûr que ça va avoir des incidents avec la saison 3, puisque ça rappelle un événement particulier, mais qu'on ne va pas nous traîner ça pendant 5 saisons. Mmh. Après, maintenant qu'avec la mort de son père, on va nous traîner ça aussi. Moi, ça me dérange pas parce que c'est un peu l'essence même du personnage. Moi, Wally, il m'a pas dérangé non plus. Enfin, il m'a pas dérangé. Et je trouvais ça même bien, maintenant que tout le monde savait le secret de Barry, parce qu'il n'y avait plus une personne limite à Central City qui n'était pas au courant. Le voir lui arriver, qu'en plus il fasse partie indirectement, enfin, qu'il fasse partie de la famille adoptive de Barry. Il y avait des choses assez intéressantes. Et du coup, j'ai pas été. Après, tout le reste autour de la famille d'Iris m'a saoulé, mais Wally, non. Wally, non, parce qu'il a, un certain intérêt en tant que personnage. Dis-moi, c'est quoi son intérêt? J'en vois aucun, là. Non, mais son intérêt dans le sens où il s'appelle Wally West et dans le sens où tu lui accordes un chouïa. Mais il n'y a pas que son nom, il y a l'arrivée de ce nouveau personnage dans la vie à la fois de la famille West et puis dans la vie de Barry aussi. Barry, il a un demi-frère adoptif. Oui, qu'est-ce que ça change? Ça n'apporte rien. Tu sens qu'il y a plein de choses autour de la transmission entre Joe et Barry, et du coup entre Joe et Wally, qui a une espèce de relation à trois qui se construit. Non, ils n'en parlent pas de ça. C'est vraiment. Tu le sens vachement que Wally doit se faire une place avec cette relation à deux qu'il a déjà construite avec Barry, qui n'est pas le fils de Joe, alors que lui est le fils de Joe. Et voilà, il y aurait pu avoir des sortes de jalousie qu'on n'a pas parce qu'ils sont partis sur quelque chose de l'héritage. Et moi, ça me va. Mais ça, ce que tu dis là, c'est pas, quand tu te mets en perspective, c'est pas un peu malsain que du coup, lui, avec Iris, parce que si c'est son frère, comme tu es en train de dire, on parle des. C'est son demi-frère adoptif. Oui, tout à fait. Donc, Donc il va s'asseoir avec sa demi-sœur, avec sa sœur adoptive. Il snap quand même sa demi-sœur adoptive. Qu'il a jamais vu comme sa sœur. C'est ouais, ça. Mais bon, c'est quand même sa sœur, parce que si... Bah non, non, il était déjà amoureux avant que ce soit sa sœur. Il était déjà amoureux avant que ce soit sa sœur. Clément, calme-toi. Mais non. Je suis déjà d'accord. Mais en plus, je dis adoptive alors qu'il a même pas été adopté. C'est mais oui, il n'est pas adopté. Il n'est même pas de la famille, il a été recueilli, c'est tout. Oui, alors ça va, c'est l'histoire en fait qu'il a trois pères. Honnêtement, cette saison, j'ai l'impression que... Bah, ah, c'est ironique, mais il a... oui, il n'est même pas adopté. Donc, mais ça, c'est bien du DC, ça. C'est bien du DC CW, ça. C'est un père adoptif. Surtout, voilà, il y a un truc, imaginez, c'est que, encore une fois, je le dis, ça m'aurait pas gêné qu'il se tape Iris, même si je trouve que c'est déjà un peu limite. Mais quand les autres, comme par exemple Wally, à un moment, il dit, oh, il faut qu'on aille sauver votre père, et que l'autre lui dit, notre père, à nous trois, tu dis bon. Ouais, mais quand il dit ça, c'est. Bah, c'est Wally, il y a toute une histoire derrière. C'est une manière d'accueillir Wally aussi dans la famille. C'est une manière de dire. Non, mais c'est Wally, voilà. C'est Wally qui dit allons sauver notre père. Mais oui, mais c'est. Ça ben, c'est la symbolique est intéressante. Oui, bah, la symbolique, donc ça veut dire qu'ils se considèrent quand même comme une famille. Donc, mais tu peux quelqu'un. C'est un peu. Bon, mais c'est pas. Ouais, moi, je comprends pas cette question. Ouais, je sais pas, par exemple, vous avez regardé Dexter quand sa sœur était amoureuse de lui. Vous ouais, mais en parlant, c'est sa sœur. Bah non, c'est sa sœur adoptive aussi. Quand tu reparles de Dexter, il considérait cette fille comme sa sœur et mais elle là, considérait il Dexter comme son frère. Là, pas du tout. Ouais, mais moi je trouve qu'il y a un mélange des genres. Mais non. Il y a un mélange là-dedans parce que si les autres le considèrent comme leur si Wally le considère comme son frère. Si Joe le considère comme son fils. Non mais attends, c'est ce cas-là qu'ils n'appuient pas autant là-dessus. Mais le considère comme son fils, mais c'est pas son fils. C'est pas son fils, c'est symbolique, c'est purement symbolique. Tu peux très bien ne pas avoir de lien parenté avec la personne et considérer une personne comme ton fils, comme ton frère, enfin je sais pas quoi. Même quand Henry Allen sort de prison, voilà, la première fois, il y a cette espèce de passage de témoin qui se fait un peu. Voilà. Après, de manière plus synthétique sur ça, oui. De toute façon, on nous laisse montrer ça parce que la première image qu'on a de Henry Allen, elle arrive un peu après et de toute façon, ce qu'on voit, c'est que Barry a été recueilli, il fait symboliquement ou en tout cas métaphoriquement partie de la famille West et que de fait, il y a quelque chose, tu vois, de très fort qui s'est lié entre Joe et Barry, qui est quelque chose comme un peu comme un lien filial, mais de la même manière qu'il y a un espèce de lien filial avec le premier Harrison Wells dans la première saison. Ensuite, il y a un truc, tu vois, de un peu amoureux, mais aussi extrêmement affectif et intense avec Iris, en dépit, en effet, du fait qu'ils aient pas mal vécu ensemble pendant, je sais pas, une dizaine d'années, disons, depuis la mise en prison d'Henry. Donc oui, il y a quelque chose de métaphoriquement un petit peu, sœur-frère entre les deux, père-fils entre Joe et lui, mais après, oui, ça reste un peu de l'ordre de la symbolique. Ça s'efface dans la mesure où l'intensité sentimentale entre les trois personnages, bah, elle transcende un petit peu les liens. Et tu le vois encore une fois quand Henry sort en fin de prison, quand tu vois l'attachement que Barry a à sa mère, alors que la manière dont il la voit, c'est quand il retourne dans le passé. Voilà, et il y a pas ce même choc non plus qu'à Iris quand elle voit Wally, que quand Barry voit Wally pour la première fois. Voilà, bon, on joue un peu là-dessus, mais après, bon. Donc, si moi je vous pose la question, quand vous voyez cette petite romance, à aucun vous vous dites, ah, c'est quand même un peu pas très net. Aucun moment. Non. J'en ai rien à foutre. C'est pas très important. Mais pareil, moi, je suis juste content qu'ils arrêtent de se tourner autour et qu'on passe à autre chose. Ouais, c'est ça. Oui, par contre, il serait temps d'arrêter parce que là, c'est bon. En plus, Iris, c'est les gens. Ils n'ont pas l'intention d'arrêter en plus. Bon, après. C'est le perso, de toute manière. Donc. En théorie, il y a Iris West doit devenir Iris West Allen, hein, donc bon. Oui, donc voilà, enfin je comprends. Elle peut crever, ça nous dérange pas. Hein. Ouais, mais d'après ce qui a été montré là, c'est que il est possible que cette timeline là n'existe plus. On verra. On peut pas savoir avant septembre maintenant de toute façon. Le méchant, on en a parlé, on va parler un petit peu, on a peut-être d'autres choses avant, un petit peu juste le reste, le multivers. L'épisode Kevin Smith. L'épisode Kevin Smith, si vous voulez, moi je voulais arriver sur l'évolution de Cisco notamment et des personnages, il y a quand même des personnages secondaires qui ont eu une belle évolution cette année. Cisco est la plus flagrante. Bah, détrompe-toi, Kathleen, elle a une sacrée évolution cette année. Ouais. Oui, quand même. En tout cas, disons que son évolution m'a pas plu. Ah bah voilà. Elle joue mal. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a plu aussi dans Flash? Du calme, Clément. Oui, mais j'ai dit la première partie de saison, moi j'ai trouvé génial. Je me souviens même. Génial, David. Pas génial, mais j'avais beaucoup aimé. Je me souviens même, j'étais pratiquement le seul, presque le seul à défendre un peu Arnaud qui avait plusieurs griefs et moi j'essayais de défendre et voilà. La première partie de saison, j'aimais bien, mais la deuxième partie de saison, je ne sais pas si c'était aussi la médiocrité ambiante des autres séries qui faisait que le désintérêt commençait un peu à naître aussi par rapport à tout ça. Peut-être que ça a joué, mais voilà, la deuxième partie de saison était quand même très et moins bien en dessous. On a parlé de l'histoire qui n'avait ni queue ni tête au final. Donc oui, la première partie j'aimais l'histoire avec Patty. D'ailleurs on n'a même pas parlé, mais Patty Smith. Allez Patty. Mais voilà, on a fait le bilan. C'était en bilan de première moitié de saison, ça. Elle n'est plus apparue depuis, donc à la rigueur on n'en parle plus. C'est pas très grave. Après moi Flash, de toute façon, voilà, j'ai toujours plus ou moins défendu cette série parce que c'est la seule qui me donne envie de chercher. Ouais, la même. Pareil. C'est la seule qui comme Amir. Après, le problème, c'est que c'est écrit par Bernanke et que du coup, j'avais un peu tout trouvé 6 mois à l'avance. Mais c'est pas grave. Au moins, j'ai eu envie de chercher. Comme Amir. Ça va, on a compris. J'ai pas compris ta vanne. Elle est nulle, cette vanne. C'est trop référencé Eurovision pour toi. Pardon. Voilà, ça donne envie de réfléchir, d'aller fouiller, chercher un peu l'identité des personnages, qui sont dans les comics, etc. Après, je connais plutôt bien l'univers de Flash, donc du coup, il y a des choses qui sont liées aussi pour moi. Mais le problème que ce soit écrit par Berlanti, c'est que quand tu connais un peu Flash et que tu connais un peu comment Berlanti écrit, au final, t'as pas trop de mystère, quoi. Non. Déjà, c'est un peu. Et ne serait-ce que dans cette relation un peu pseudo-filiale qu'on nous vend, hein, et dans ce méchant qui finalement a ce petit fond de gentillesse parce que oui, Kathleen lui fait ses jolis yeux, que finalement il est plus si terrible une fois que voilà. Mais non, c'est pas le même méchant, non, en principe. C'est même pas la même personne qui a eu une romance. Non, mais c'est pour exemple ici, en plus. Enfin, on nous tartine de toute façon le truc pour histoire de faire un peu durer des épisodes de 40 minutes. Voilà, de temps en temps, il y a un petit méchant de manière aléatoire qui arrive, style King Shark, par exemple. Alors, lui. Style Gorilla Grodd, qu'on nous a mis ça fait la quatrième fois, il est toujours aussi inintéressant, aussi peu développé. Il était intéressant. Parce que là, ça y est, il est arrivé. Oui. Il est arrivé là où il devait arriver pour devenir ce qu'il doit devenir dans ce qu'on connaît de lui. Oui. Et c'est là qu'il va être intéressant. Ah oui, maintenant, après, il va falloir. Avec cette histoire de finale, est-ce qu'on le verra un jour? On ne sait pas. Non. Je pense qu'on nous l'a mis juste pour nous faire joli et qu'en plus, c'est bon, toutes ces apparitions ont été. L'histoire du final, attendez, moi je pense que ça va nous faire aller au mieux la moitié de saison, ça reviendra comme avant. On verra. Ouais, c'est vrai. Mais bon, de toute façon, dans cet épisode final, je pense que c'est la seule chose que j'ai vraiment aimé dedans. C'est cette fin en sorte de réécriture de toute l'histoire qu'on connaît. C'est pas le Flashpoint. Maintenant, la qualité. Ouais, mais je suis pas aussi pointu que vous, les gars. Alors, on n'est pas encore dans Flashpoint. On a juste vu, pour le moment, un retour dans le passé où il fait quelque chose de différemment, qui est effectivement la chose qui amène Flashpoint. Il empêche sa mère de mourir, ok. Mais on est Flashpoint, le paradoxe n'est pas encore là. Non, et surtout je me demande comment ils vont l'adapter parce que même si tu penses par comics, personne n'a dit qu'ils allaient l'adapter. Enfin, pour le moment, on s'emballe tous là-dessus parce qu'effectivement c'est le même élément déclencheur, mais ça se trouve ils vont revenir en arrière par une pirouette comme ils l'avaient fait avec la fissure entre les deux mondes au début de la saison 2. Rappelez-vous, en 3 minutes cette histoire-là c'était réglé. Oui. Voilà, on n'est pas, enfin personne n'a dit de leur côté Flashpoint arrive quoi. On est un peu tous en train de s'enflammer sur les internets et tout. Il y a effectivement. À la fin de la saison 1, on est tous là en train de dire ils vont nous faire une crisis et au final. Et pas du tout. Et pas du tout. Et là, ça nous fait pareil avec Flashpoint parce qu'effectivement, il fait un truc qui, oui, dans les comics, effectivement, nous rappelle Flashpoint parce que c'est exactement ce qu'il a fait. Mais on n'est pas encore au paradoxe de Flashpoint et je suis pas sûr qu'on l'est. Surtout que inadaptable sur la CW. Oui, ça va faire un peu Civil War dans cette affaire si jamais ça se développe. Surtout que ça impacte aussi les autres séries quoi pour un maximum de cohérence. Donc, moi je pense que ce truc-là va impacter une série et que ça va être bien pratique, c'est pour nous ramener Supergirl dans l'univers. Et que après, ça peut être une des seules conséquences de la réécriture du passé. Ah mais si ça pouvait aussi délire là, ils vont me perdre. Hein. Si ça pouvait impacter Arrow, si ça m'arrangerait bien. Si tu pouvais faire revenir Black Canary. Oh là là. Bah, voilà, en termes d'impact, ça peut aussi être, effectivement, pendant quelques épisodes, le temps qu'il se souvienne ou le temps qu'il lui arrive un autre accident, je sais pas quoi, peut-être que dans cette nouvelle timeline qui est en train de se construire, bah, peut-être que c'est Wally qui va avoir les pouvoirs, et pas Barry. Possible. Aussi. Ce qui serait un peu l'inverse, d'ailleurs, de ce qu'on a vécu au moment de Flashpoint. Moi, je trouve ça serait intéressant. Mais... je trouve ça quand même gros que, genre, juste le fait que sa mère ne soit pas morte, ça changerait entièrement tout l'univers. Tu sais, dans la science-fiction, dans le premier récit de science-fiction, c'est l'effet papillon, c'est juste tu touches un papillon et ça change complètement l'univers. Oui, mais bon. Donc, un gros événement comme ça de sauver un personnage qui doit mourir. Bah, c'est le concept plutôt même de Flashpoint. Hein, en fait, ça ne devrait impacter que Barry et son futur à lui, dans le sens où c'est le choix dans le futur, mais ça ne devrait pas impacter. Je vois pas en quoi le fait que sa mère soit vivante impacterait. Ça impacte qu'il connaîtra peut-être même pas Iris West. Il connaîtra peut-être même pas Iris. Harrison Wells, puisque tout ça c'est lié. Il peut peut-être ne pas avoir ses pouvoirs. Peut-être, mais tu vois, par contre, ça devrait absolument pas impacter ce que est Kathleen aujourd'hui, à part, enfin, tu vois, quand on la rencontre au début de Flash ou Cisco, eux, ça les impacterait pas en soi, tu vois. Oui, je vois, tu veux dire jusqu'à ce qu'ils rencontrent Flash. Aucun impact sur leur vie, en soi. A priori, pas de pouvoir non plus, parce que la mère a été tuée, c'est à la base pour que Barry ait des pouvoirs. Là, il n'y a plus de raison, puisqu'elle n'est pas morte. Parce que moi, je les verrais bien, tu vois, que quelqu'un devienne... L'accélérateur de particules. Et donc, il n'y aurait pas d'explosion. Oui, c'est ça, il n'y aurait pas d'explosion. Et donc, il n'y aurait pas de flash. Et c'est ce fameux truc qui dit que ce sont des points fixes dans le temps qui quand ils sont altérés ou bouleversés ou supprimés ou tout ce que tu veux, ça change l'ordre du monde qui doit venir après. Et vu la relation qu'on nous a donnée par rapport à sa mère, vu d'ailleurs le final de la saison 1, où déjà c'était un peu ça, et vu voilà ce que ça semble impliquer en effet, parce que c'est ce qu'on nous tease de toute façon, bah ça doit forcément au moins bouger les lignes, bouger les choses. Ça peut pas être aussi anodin. C'est le sauvetage de sa mère. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et passionnel qu'un autre événement qui soit plus ou moins mineur. Bon, bientôt tu vas apprendre qu'ils étaient 10 flashs au moment où sa mère a été tuée. Ben, moi je vous dis, je suis pas si sûr que ça ait beaucoup de conséquences. Ouais. On n'est pas à l'abri de voir un autre mec, genre le Black Flash, débarquer et buter la mère quand même. Ah bah le Black Flash. Et là on aura l'air con parce qu'il a une vengeance à prendre. Parce que n'oublions pas qu'il y a quand même une entité au-dessus de tout ça qui est la Speed Force qui veut que Barry soit Flash, quoi qu'il arrive. Ah oui, alors parlons de cette entité qui parle. Donc du coup, je suis pas sûr qu'il y ait tant de conséquences. Je sais pas si cet épisode-là, c'est pas un épisode totalement geek, parce que moi, donc l'épisode de Kevin Smith. Moi, c'est pas l'un des pires épisodes que j'ai jamais vu depuis. Parce que pour moi, c'est le meilleur de la saison. Pour moi, c'est le meilleur épisode. C'est l'un des épisodes les plus de qualité série est produit. Ils disent qu'il y a une force, la Speed Force, qui a un truc, il y a une entité qui parle. Alors, ça, C'est-à-dire que tu critiques le principe même de Flash, c'est quelque chose qui est lié profondément et intrinsèquement au personnage de Flash. Je te soutiens, moi, ça m'a barbé cet épisode. Parce que c'est américain, parce que c'est plein de cahiers de charges, parce que c'est plein de trucs pour nous dire vas-y, Barry, c'est toi le héros, et donc forcément, on va te redonner tes pouvoirs, mais bon, il va falloir que tu passes par une petite épreuve à la con qui est de capter un espèce de spectre qui court autour, qui a la même gueule que toi. Voilà, c'est très américain. Je suis pas contre. Je suis d'accord que c'est un passage obligatoire, mais je dis que ça m'a barbé. C'était un peu chiant. Mais surtout, c'est ça. Ça revient un peu toujours à peu près sur les mêmes états d'âme de Barry. Ça fait évoluer le personnage, justement. Ça fait évoluer. T'as l'impression qu'il a évolué. Comment ? T'as eu l'impression qu'il a évolué ? Il y a eu un avant et un après. Hein. Évidemment, c'est dit dans l'épisode suivant. On dit depuis que t'es revenu de la Speed Force, t'es trop confiant. Il revient avec un optimisme grandissant. Rien que le fait aussi. Enfin, et moi, si je me souviens bien, c'est aussi dans l'épisode où il prend conscience qu'il a jamais fait le deuil. Il a jamais fait son deuil vis-à-vis de sa mère. Et ça va être après qu'il va réussir à aller sur la tombe de sa mère. Donc ça. on peut pas dire que ça n'a pas fait évoluer le personnage de Barry, parce que rien que sur cet aspect, ça l'a fait évoluer. C'est tout ce qui amène le final. Qu'est-ce qu'on en a foutu qu'il ait fait tout ça? Ça a quand même une importance. Mais t'as raison, Elodie. C'est tout ce qu'il torture depuis pratiquement tout son truc. C'est ça que la CW nous rappeler en permanence à chaque début d'épisode de saison 1, parce que la CW a envie de nous rappeler qu'il est Barry Allen, qu'il est l'homme le plus rapide du monde, qu'il a vu sa mère se faire tuer. Franchement, avec ça, tu t'en rappelles pas et ça te fait pas un lien là au moment de cet épisode. Oh, bah, merde, il est jamais allé sur la tombe de sa mère, mais je trouve ça ridicule qu'il soit jamais allé, même dans les comics, en tant que personnage, il y a un complexe qui est grave par rapport à sa mère. C'est pour ça qu'on s'enflamme sur Flashpoint, parce que s'il y a un truc qui est bouleversant, tu vois, un peu dans les comics, c'est aussi cet arc qui est lié à la mère de Barry. Flashpoint, c'est un élément qui est enfin, on s'enflamme sur ça parce que tout simplement que Flashpoint, c'est quand même l'un des événements contemporains qui a eu le plus d'impact sur l'univers d'ici, et que c'est pas quelque chose de négligeable, et que tout le paradoxe de Flashpoint découle du fait que Barry a finalement sauvé sa mère. Donc ouais, mais ça je vois pas le rapport avec le fait qu'on trouve cet épisode a été barbant. Là tu parles. Non, mais pour moi c'est un épisode qui est déjà visuellement. Oui, visuellement il est super bien. Voilà. On a quand même une scène, enfin moi j'ai aimé c'est con hein, mais dans Flash et même dans plein d'autres séries, on n'a jamais ce genre de choses qui va être on commence l'épisode avec ce livre, ce petit dinosaure, et ce livre va revenir plusieurs fois dans l'épisode et c'est lui qui va conclure l'épisode. On a un fil rouge avec un objet transitionnel qui est assez Et qui était très émouvant. Il y a énormément d'émotions. Le moment où il récite ce livre par cœur, enfin, c'est quand même hyper poignant. Je trouvais que c'était la meilleure scène de Grant Gustin. Ouais, je sais pas. Je pense qu'il y a eu à peu près la même chose dans la saison 2 de Daredevil, et que c'était beaucoup, beaucoup mieux. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Avec la comptine. Ouais, bah, à la rigueur, j'ai préféré la lecture du livre. T'as préféré la lecture du livre de Barry Sur ce coup-là, oui. Parce que c'est plus touchant. Kevin Smith, c'est quand même le seul réalisateur depuis le début de la série à être capable de bien faire jouer Candice Patton. C'est ça. Et ça, c'est pas facile, hein, faut bien le croire. Voilà. Vous êtes pas sérieux. Sur quoi ce truc dans l'épisode, elle est juste. Oui. C'est la première fois qu'elle met ses répliques correctement toute la durée d'un épisode complet. Oui. Alors, ça a pu arriver accidentellement qu'elle le fasse sur une phrase ou deux, mais là c'est surtout l'épisode. Mais aussi, c'est très simple pour ça. Il y a aussi un méchant, mais c'était ridicule le méchant aussi qui marchait, je sais pas. Il n'y a pas de méchant. Ah si, le truc là. Non, moi j'ai trouvé l'épisode un peu ridicule. Après, effectivement, je veux bien. Effectivement, les petits dialogues qu'il a avec la Speed Force, ça peut être intéressant. Il faut dire que moi, la morale de, les états d'âme de Barry m'ont saoulé bien avant, lorsque il va faire revenir Zoom sur Terre là, avec toute sa bonne foi, je sais pas, sa bonne foi, sa bien-pensance de scout. Là, voilà, sa façon de penser m'a bien saoulé. Donc, le dialogue avec la Speed Force, ça m'intéressait plus. On sera pas. Tu sais pourquoi? Parce que. Vas-y, Léo, vite fait. Ah, t'as perdu ton son, c'est dommage. On se mettra sans doute pas d'accord sur cette question. Bon, est-ce que vous avez un autre coup de cœur dans cette saison? Puisque moi, pour le coup, cet épisode-là, c'est un de mes coups de cœur de cette saison. Voilà, on va rester un peu sur du positif pour terminer rapidement, encore quelques minutes. Comment? Les diamants. Ah, tiens, aussi, j'allais dire aussi un dernier truc, c'est que lorsque Zoom s'apprête à tuer le père de Barry, le mec, c'est quand même un spitzer et tout ce qu'il trouve à faire, c'est de gueuler, non? Moi, ça m'a pas choqué. Moi, ça m'a pas choqué. Parce que c'est un moment où il est. Moi, ça m'a choqué qu'il reste planté là comme ça, alors que il est pétrifié. En même temps, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il est super rapide, il peut essayer d'arrêter avant. C'est très bien que Zoom lui met la misère. Quand tu traverses un passage piéton et qu'il y a une voiture qui fonce sur toi et qui s'arrête pas, la chose que tu fais, tu te mets pas à courir, hein, tu t'arrêtes. Ouais. Non, mais attends, tu peux pas savoir comment tu réagis quand t'as quelqu'un. Il sortait d'un hyper optimisme, je sais pas quoi là. Et ben ouais, il se retrouve en une seconde plus bactère et il se retrouve. Enfin, il est tétanisé par la peur, quoi. Enfin, je sais pas, c'est humain, c'est pas. Je suis pas persuadé parce qu'il y a eu plusieurs fois où un truc a failli arriver à Iris et voilà, il a accéléré comme un ouf notamment où il y a un objet qui allait lui transpercer la poitrine. Voilà, il a accéléré pour essayer de l'arrêter, pour sauver. Oui, mais enfin là, c'est parce qu'il savait qu'il en était capable. Là, c'est quand même son père qui est dans les mains de Zoom. Mais justement, après, ok, ça peut se défendre, ça peut se défendre qu'il était pétrifié, mais je peux aussi dire que le mec, voilà, c'est son père, c'est la dernière chose qui lui reste. Sa mère a été butée et que tout ça, ça lui donne, voilà, il accélère. Je veux bien, quand tu peux rien faire, ok, mais si tu es censé être un mec hyper rapide, au moins tu essaies de l'arrêter avant. Mais Zoom est plus rapide que lui. Il est plus rapide que lui. Ah oui, non, mais c'est pas une raison pour qu'il fasse rien. Il est plus rapide que lui. Par exemple, pour la course finale, Zoom est plus rapide que lui, mais il l'a fait quand même. Ce que je veux dire, c'est que. Enfin, il avait pas quand même son père qui était en train de allait se crever devant ses yeux. Bah, il y avait ses amis qui allaient être butés après. Ouais, mais enfin, il y avait un contexte qui était différent. Il y avait quand même son père dans les mains de Zoom, et en plus de ça, c'était dans la maison où sa mère est morte. Dans tout cas, t'es en train de m'expliquer que Barry, dès lors que ses amis sont en danger et que Zoom est plus puissant, tout ce qu'il a à faire, c'est rester debout et être pétrifié. Bah, peut-être, et pour une fois, c'est bien, ça le rend humain. Et puis voilà. C'est ça. Ouais. Alors, moi, je voudrais quand même dire quelque chose de positif. Ah, on voit les yeux. Non, je veux juste rester sur ce que vous disiez. C'est que la scène où justement Zoom tue le père de Barry, et bah, ça m'a légèrement ému. Ah bah, y a quelque chose dans le regard de Grand Destin qui passe à ce moment-là. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui fait que voilà, tu vois qu'il perd son père, bon, tu sais qu'il a perdu sa mère, donc voilà, ça fait quelque chose en plus. Mais par contre, ça fait déjà deux, trois épisodes que pour moi, je savais qu'il allait mourir. Quoi. Ils ont tout fait, tout amené pour arriver à sa mort. Tu savais que le père allait crever. Ouais, bah, c'est peut-être aussi. Mais elle est pas trop mal amenée, la mort. Pourtant. Non, elle est pas trop mal amenée, mais dans cet épisode, je sais plus, il y a une ou deux fois, je me suis dit, oh putain, lui, c'est sûr, il va crever. Des trucs qu'il dit à son fils, genre, je suis vraiment très fier de toi. Non, mais voilà, mais de toute façon, quand tu commences à comprendre un peu les mécaniques de l'écriture de Berlanti, voilà, tu sais qu'avant un épisode important, 3 ou 4 épisodes avant, tu vas voir un indice. C'est ça, la CW. Ça va pas manquer avec, voilà, on va pas refaire la saison, mais voilà. Et Cisco aussi. Cisco, quand même, putain de coup de cœur de cette saison. En évolution. Mais c'est le seul personnage qui vaut le coup dans toute la série. Donc... Ouais, c'est le seul qui a des petites répliques ou petites références. C'est vraiment très drôle. Il nous apporte des références. Enfin, ouais. Moi, son coup de l'expecto patronum et tout ça. Mais oui, mais il a tout fait. Il y a un nombre de franchises geeks et pop culture qui sont passées dans cette saison, dans la bouche de Cisco. C'est incroyable. Il y en a dans tous les épisodes. Il ne s'arrête pas. Ouais, dans le dernier, d'ailleurs, il fait référence à un film, je ne sais plus lequel. C'est une machine à catchphrase, ce mec. Ouais, c'est... Non, mais totalement. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que même dans Arrow, des fois, ils font des références aux répliques de... C'est beaucoup moins bien fait, du coup. C'est ça. Non, bah si, quand ils disent « Ah bah non, Cisco va trouver un meilleur nom », ce genre de truc, je trouve ça... Ah oui, quand ils font référence à Cisco, ok, je pensais que tu faisais référence à des trucs pop culture, genre... Ah bon, non, des films, quand ils font référence à Cisco, c'est la référence, quoi, finalement. Ah bah Cisco, c'est la référence geek dans tout l'univers, ça c'est sûr. Bien, allez, on va s'arrêter pour ce bilan de saison 2 de Flash. Je vais vous poser la question rituelle. Est-ce que vous allez revenir pour la saison 3 ou pas? A priori, je connais un peu la réponse pour tout le monde, mais quand même, on la pose pour chaque série, donc il n'y a pas de raison. Arnaud? Oui, quand même. Clément? Oui. Elodie? Bah, par curiosité, oui. Écoute, vu ce que tu nous as dit sur toute la saison sur Flash, c'est quand même une petite victoire que tu dises que... Ouais. Oui, non, mais en fait, j'ai du mal à arrêter les séries comme ça quand j'ai commencé. Tout n'est pas acheté dans cette saison de Flash. Et entre autres, le fait qu'ils vont repartir à zéro, disons que ça me donne envie de voir ce qu'ils vont en faire. Après, oui, je pesterai dessus sûrement aussi. Hein. Il y a des séries comme ça. Ben oui. Irish bah, oui, quand même, mais pas avec le même enthousiasme que la fin de la saison 1. Et Léo? Oui, j'irai par curiosité, et puis surtout parce que j'aime bien la série, puis même, on sait jamais, des fois qu'ils nous proposeraient un truc un peu ambitieux et vachement bien goupillé pour ce apparent Flashpoint, mais pas forcément, ou je sais pas quoi, mais même, juste, rien, ne serait-ce que pour ce qui va se passer dans les premiers épisodes, oui. Ouais, bon, moi évidemment je reviens ça, sans souci. Voilà. Je vais faire un petit wild guess. Je vois bien le petit épisode, juste un épisode en début de saison où on va nous montrer un what if de qu'est-ce qui aurait pu se passer avec ce changement du futur et puis qu'à la fin de l'épisode tout redevienne quasiment normal. Ah, moi je verrais bien une mi-saison. et je verrais bien même un premier épisode, parce qu'on a quand même quelque chose. My name is Wally West and I'm the fastest man alive. Ça serait très très très bon. Je pense que tu es un peu trop ambitieux pour Berlanti. Ouais, vous savez cette théorie avec Wally là. Je l'ai lu cette semaine dans un comics alors que j'avais fait mon deuil de ça. Ça m'a foutu des frissons pas possible. Maintenant je veux l'entendre dans le season première l'année prochaine. Et puis c'est tout. Ça te ferait kiffer hein. Grave. Allez. Du coup, prochain sur nos écrans, et là, c'est pas comme toutes les semaines, je sais de quoi on va parler la prochaine fois, ce sera le bilan de la saison 3 d'Agents of S.H.I.E.L.D. Pour jeudi prochain, et puis le week-end prochain, ce sera le bilan de la saison 1 de Legends of Tomorrow. Autant vous, yes dire, autant vous dire que c'est la semaine. Yes, grand ça va être tellement bien. Ça va être génial. Bonne série pour ceux qui continuent à rattraper et qui n'ont pas fini toutes les saisons, et puis à bientôt. Salut. Salut.